إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc là aujourd'hui on va faire inshallah les dernières مسائل التي تتعلق ب تعليم آداب الولد. Dernier point qui aide à pouvoir inculquer une bonne éducation à l'enfant, en sa religion, des choses qu'il doit connaître. Et après cela, le shir va évoquer des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs preuves à l'appui. Naam. Et les derniers points qu'il va citer là sont très importants et très répandus aujourd'hui, dans la Ummah de façon générale et chez les enfants de façon particulière. Mais le problème, c'est que beaucoup de choses par lesquels sont atteints les enfants, cela est dû à la négligence des parents ou à leur ignorance ou à leur laxisme dans leur éducation. Donc là, c'est une responsabilité qui est importante. Et là, il y a une règle, car beaucoup de parents inculquent des choses à leurs enfants ou les laissent faire en disant l'enfant, il n'est pas mukallaf, donc il ne prend pas de péché. On dit naam. Mais ce qui est interdit pour les grands est interdit pour les petits. Et le péché revient au responsable du petit. C'est-à-dire l'adulte qui laisse faire l'enfant des choses qui sont haram à la base pour tout le monde, c'est lui qui prend les péchés. Donc il faut craindre Allah. Il faut craindre Allah dans l'éducation qu'on inculque à nos enfants. Car les enfants d'aujourd'hui seront les hommes de demain. Cela est connu. Et si on leur apprend depuis petit, Inch'Allah, ils seront habitués à grandir dans les choses de bien. Une bonne direction dans leur religion. Naam. Wa ba'da hadha qala fil mas'ala al-sabi'ati wa thamanin. Alayka bisidq. فإنه يهدي إلى الجنة والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار متفق عليه. Donc dans le 87e point il dit: tiens-toi toujours sur la vérité. Il avait resté, qui a amené au paradis, c'est-à-dire le fait d'être toujours véridique dans les propos, de ne pas mentir. Donc la preuve, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la véracité mène à la bienfaisance, et la bienfaisance mène au paradis, et le mensonge mène à la débauche, et la débauche mène en enfer. Le hadith, il est muttafaqun alayh. Donc là, c'est un point très important. À savoir qu'également que la véracité, c'est un apaisement pour les cœurs, contrairement au mensonge, qui lui te laisse dans les troubles. Comme cela fut rapporté dans le hadith de Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhuma, قال النبي صلى الله عليه وسلم, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. صححه الألباني. Que le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit, délaisse ce qui te fait douter, pour ce dont tu es sûr. Car la véracité est une chose qui apaise et qui rassure, alors que le mensonge est une chose qui fait douter. Également, la véracité est une cause qui amène à la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala et au gain de temps et qui multiplie le risque, comme cela fut rapporté par les deux shaykhs, selon Hakim ibn Hizam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'allait Al-bay'an bil-khayyar ma lam yatafarraqa. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ceux qui font un négoce, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, sont dans le choix tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire tant qu'ils ne sont pas séparés sur un accord, ils ont encore le choix de revenir sur leur décision. Que si jamais ils sont véridiques et qu'il déclare clairement, par exemple, le vendeur d'une marchandise déclare clairement qu'elle est défectueuse, par exemple, ou qu'elle a tel défaut, ou qu'elle est par exemple, de moyenne qualité, ou réelle zalika, qui déclare clairement, dit les choses clairement au vendeur, à l'acheteur, alors, il y aura la baraka dans leur vente. Tandis que s'ils mentent, ou qu'ils cachent, qu'ils dissimulent, la baraka, elle sera retirée de cette vente. Donc là, le hadith, même s'il parle des ventes, il s'inclut également dans tout comportement où il y a un échange avec les gens, toujours être clair avec les gens, de dire la vérité. Comme encore le Ta'ala,

C'est l'épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Et tu ne sais pas, il se peut que par la suite, tes parents entrent en islam. Du fait qu'ils se disent, je lui ai fait beaucoup de mal et malgré ça, il patiente, il se comporte bien avec moi. Alors, contre un enfant qui, lui, aurait été un mécréant, il se trouve qu'il aurait déjà fait des choses énormes. Énormes. En guise de rébellion. Alors que le muslim, il patiente. Ce n'est pas facile. Naam, ce n'est pas facile. Et ça demande l'isti'ana billah. De rechercher de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, obéir aux parents est parmi les plus grands des actes, tout comme le fait de leur désobéir, et cela est parmi les plus grands péchés. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الاشراك بالله قال وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. Il fait interroger sur les grands péchés, il dit c'est l'association à Allah, l'ingratitude envers les parents, le fait de tuer, la vie qui est interdite et le témoignage mensonger. وكذلك جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال قيل يا رسول الله أي عمل أفضل قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. Qui fut interrogé sallallahu alayhi wa sallam, quel est la meilleure des actes? Ou plutôt, dans le hadith, réellement, c'est quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Il a dit la salate en son temps. Il dit ensuite quelle œuvre? Il dit la bienfaisance envers les parents. Il dit ensuite laquelle? Il dit le jihad sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, regardez bien, même que l'obéissance apparente prédomine sur le jihad. Prédomine sur le jihad. À part dans certains cas. Mais à la base, le jihad, quand c'est un jihad d'offensive, celui-ci ne peut être accompli qu'avec, en leur demandant la permission. Jihad et talab, d'offensif. Ama, difa, adashi, ara. Le jihad de défense, c'est notre mas'ala. وجاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم قيل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك. Que le prophète صلى الله عليه وسلم il fut interrogé qui est le plus endroit d'avoir ma bonne compagnie, il a dit ta mère. Et la mère est plus endroit que le père dans la bienfaisance. Car dans le hadith il dit trois fois la mère et à la fin il dit le père. Donc la mère passe même au devant du père. Quant au hadith, el jannat akdam el ummahat, que le paradis sous les pieds des mères, ce hadith n'est pas authentique. Le sens, lui, est accepté, il est valide. Car on sait que le fait d'obéir aux parents, c'est une cause qui amène à rentrer au paradis. Et principalement les mères. Mais le hadith en lui-même, le hadith n'est pas authentique. Donc les enfants, faut leur apprendre également à respecter leurs parents. Et les grands-parents, et tous les proches des parents, et même les adultes de façon générale, qu'ils apprennent à respecter les grands, à leur rendre leurs droits. Naam. Wa ba'da hadha qala fi al-mas'ala at-tis'ati wa thamanin qala ihdhar at-tashabbuha bil-kafirin fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man tashabbaha bikumin fa huwa minhum akhraju ahmad wa ghayruhu min hadith ibn umar wal hadith hasan. Il dit, dans le 89e point, prends garde à la ressemblance aux mécréants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Rapporté par Ahmed et autres, d'après Ibn Omar, et ce hadith est Hassan, il est bon. Aujourd'hui, comme le cite Cheikh Abdul Rakib, At-tashabbuh bil kuffar, le fait de leur ressembler est parmi les plus grandes épreuves dans laquelle l'un des plus grands maux dans lequel est plongée la Oumma en cette époque. C'est l'un des plus grands fléaux par lesquels nous avons été atteints, le fait de ressembler aux koufars. Les muslimoun, aujourd'hui, ilayman al-hamahullah, sont plongés là-dedans, dans leur aspect, dans leur façon de parler, dans leur mode de vie, dans leurs coutumes et autres. Et ils sont calqués sur le mode occidental mécréant, al-asaf. Et ça pourquoi? Par ignorance de leur religion, de leur croyance, de leur manhaj, wa ghayr dhalika. Donc l'enfant depuis petit, il faut lui apprendre cela, lui faire réaliser qu'est-ce qu'un mécréant et qu'est-ce qu'un croyant. Qu'est-ce qu'un mécréant, qu'est-ce qu'un croyant. Car aujourd'hui, les mécréants aiment exposer toute leur richesse, tout ce qu'ils ont, et veulent retirer la foi de notre cœur. Comme a dit Allah, Ils aimeraient que vous m'écroyiez comme ils ont mécru, afin que vous soyez égaux. Donc ils font tout, tout pour attirer le musulman vers lui. Et ils concentrent bien leurs efforts sur les deux faibles, les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants. Car un enfant, c'est très facile de l'impressionner. Très facile de l'impressionner, l'enfant. Et la femme plus que l'homme. Et regardez bien, leurs efforts sont concentrés essentiellement sur les enfants et les femmes, plus que les hommes. Voilà, azu billah. Les enfants, il faut leur apprendre à prendre garde aux fêtes des mécréants. Comme par exemple la fête de Noël. C'est une fête qui est très attirante pour les enfants, car il y a des cadeaux, il y a plein de lumière, il y a plein de couleurs, il y a plein de choses qui attirent l'âme. Donc bien lui faire comprendre quel est le mal qui en découle, et que cela n'est pas permis. Ou dans les autres fêtes que les koufars ils ont fait, comme la fête des mères, ou la fête de la grand-mère, ou la fête de ceci, la fête de cela. Des choses qui attirent l'enfant. Le fait de ne pas leur ressembler, dans le fait de se battre pour acquérir les biens au bas monde, pour la dunya, comme c'est le cas des mécréants. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais plutôt, je crains que la dunya ne s'étale devant vous, tout comme elle s'est étalée pour cela devant vous, que vous vous y concurrenciez, alors qu'elle vous détruira, elle vous fera périr, tout comme les autres se sont concurrencés en elle et ont fini par périr. Donc le fait de se concurrencer dans la dunya, c'est parmi les actes des mécréants, pas ceux des croyants. Également de ne pas le ressembler dans quoi, dans le fait de délaisser Inkar al-Munkar. Le fait de délaisser la répréhension du blâmable. Car c'est connu chez les mécréants, dès qu'il y a un mal et que tu veux corriger, ils disent de quoi tu te mêles. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu veux, Mathalène? Le musulman, non. Tant qu'il peut, il doit réprimander le mal et appeler au convenable. Mais pour cela, il faut déjà que les parents eux-mêmes soient exemplaires dans leur religion. Par exemple, un père qui se rase, qui est en pantalon, qui regarde la télévision, ce genre de choses, c'est sûr que demain, il enseigne à son enfant cela, il ne va pas être crédible. Donc il faut déjà que les parents eux-mêmes soient sur la droiture, car la plus grande da'wa est celle des actes, avant celle de la parole. Tes actes, l'enfant va regarder en premier lieu comment tu te comportes toi. Car pour l'enfant, le premier modèle qu'il aura devant ses yeux, c'est son père ou sa mère, les proches. Donc si les parents eux-mêmes sont sur une bonne base, l'enfant, alhamdoulilah, aura des causes pour bien évoluer. Biznillah ta'ala dans sa religion. Fil mas'ala at-tis'in. Qal, alayka bi kathrat zikrillah azza wa jal. Wa ala ma thabata bihi al-adillah. Fayna dhalika min asbab al-falah fi dunya wa al-akhirah. Qal ta'ala, wa thkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu. Qal, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kalimatani. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه. Qu'il dit dans le 90e point, il dit multiplie l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant ce qui est établi par les preuves, c'est-à-dire de le faire de façon légiférée et ne pas de façon innovée. Se rappeler d'Allah, faire du zikr de façon légiférée. Car ceci fait partie des causes de la réussite, ici-bas et dans l'au-delà. Alors dans le sens où il dit, et mentionner beaucoup Allah afin de réussir. Donc le fait de faire du zikr est une cause de réussite. Et selon Abu Hurayra, radhiyallahu anhu, qui a dit, le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, deux paroles sont très légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du Rahman, du tout miséricordieux, gloire et louange à Allah, gloire à Allah l'immense. Apporté par Al-Bukhari et Muslim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Donc là, rappelez à l'enfant de faire du zikr. C'est afkar, au moment où ceux-ci sont demandés. En rentrant dans la maison, en sortant dans la maison, en enlevant les vêtements, avant de dormir, en se réveillant, en rentrant aux toilettes, en sortant des toilettes, avant de manger, lorsqu'il voit une chose qui lui plaît, lorsqu'il éternue. Ghayr dhalika. Lui apprendre les afkar sahiha. Les bons rappels. Les vrais, et les faire au bon moment, et qu'il s'y habitue à faire les afkar du matin, les afkar de l'après-midi, du soir. Rien de zalika. L'enfant, depuis petit, est habitué à cela. Que cela soit ancré en lui. Et par la suite, même s'il n'a pas encore dit Tiseb, par la suite, il comprendra. Mais au moins, sa langue sera déjà habituée. à évoquer son Seigneur. Et c'est une cause qui est l'honneur de lui et Shaitan. Et le zikr d'Allah est une cause du pardon, comme a dit Ta'ala. وَذَاكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ceux qui se rappellent beaucoup d'Allah et celles qui se rappellent beaucoup d'Allah, Allah leur a préparé un pardon et une grande récompense. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Que celui qui se rappelle de son Seigneur et celui qui ne se rappelle pas sont comme l'exemple du mort et du vivant. Celui qui se rappelle de son Seigneur est une personne qui est vivante. Son cœur, il est vivant. Ce qui ne le fait pas, cette personne-là, elle est morte. Comme c'est le cas des mécréants qui ne se rappellent pas d'Allah. نعم وبعد ذلك خاتم ال 91 قال كفارة المجلس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان تابعا عليهن إلى يوم القيامة وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَخْرَجُ أَحْمَدُ وَحَدِيثٌ صَحِيحٌ. Qui est dans le 91e point, l'expiation de l'assise. Lorsqu'il y a des assises, dans laquelle Allah SWT a été évoqué, ou les Zalika, quand les gens sont rassemblés, qui dit, selon Aïcha, que le message d'Allah SWT, lorsqu'il s'asseyait lors d'une assise, une assemblée, qu'il faisait la salat, ou qu'il parlait, Aïcha l'interrogea sur ses paroles. Il répondit, s'il a parlé en bien, ce sera un cachet sur elle jusqu'au jour de la résurrection. Et s'il a parlé autrement, elle sera une expiation. Donc le sens de ce dua, de cette kafara, c'est, gloire et louange à toi, il n'y a pas de divinité digne d'adorer ce n'est toi, je te demande pardon et je me repens à toi. Bien que dans le hadith en arabe, c'est venu « Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. » Mais comme il y a plusieurs versions du hadith, ils tournent tous autour du même sens. Donc ça, c'est une expression à bien se le rappeler à la fin des assises, des cours, des rappels, des muhadara, des kalimat, de se rappeler à se dire cela. On voit aussi, par exemple, beaucoup les machères ici, lorsqu'ils ont fini un cours, ils disent cela. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé de bien dire Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilayh. Naam. Donc de là s'achève, alhamdoulillah, tous les points qui sont relatifs au masail fiqhiyya par rapport au fiqh. Et tout cela dans le fiqh, car ce sont des œuvres, des preuves détaillées sur des règles liés aux actes, aux œuvres. Naam. Donc là, on a fini avec cela. Et le prochain ders, qui sera le dernier, probablement, lui sera que le shir va citer différents noms d'Allah SWT avec leur preuve à l'appui. Naam. Abiyad al-Qadnak Tafi, Subhanaka wa bihamdik, La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.